Kanyangi. C'est un plaisir, Madame, Monsieur, de vous savoir nombreux à l'écoute. Bienvenue à cette édition. En voici les grandes articulations. Tentative de kidnapping d'un journaliste du groupe de presse Iwachu la nuit de ce mercredi. Entre-temps, le Conseil national de la communication CNC met en garde ce groupe de presse pour manquement professionnel grave. La Régie des eaux affirme que les coupures intempestives de courant électrique ne seront plus signalées après 2 semaines, a déclaré ce jeudi le directeur général de la Régie des eaux dans une conférence de presse. Dans cette édition, on vous parlera de la pénurie de fertilisants de type Dolomi suite au manque de courant, de carburant plutôt, disent les fournisseurs, argument que rejette le Premier ministre en réunion ce mercredi à Ngozi. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons sécurité et médias pour débuter cette édition. Pascal Nakirutimana, journaliste du groupe de presse Iwachu, a été victime d'une tentative de kidnapping dans la soirée de ce mercredi 5 juin. C'était vers 19h. Le journaliste est rentré chez lui à Kinama. Selon les informations fournies par le journal Iwachu, ce journaliste descendait d'un taxi avec d'autres passagers en pick-up double cabine de couleur blanche. Vitre teinté s'est arrêté à sa hauteur à l'avenue des forces armées dites Kuya Kanyoni en zone Chibitoke, commune Nahangwa, mairie de Bujumbura. Selon des témoins, 2 policiers sont rapidement sortis du véhicule et se sont dirigés vers le journaliste. De force, ils ont essayé de le faire monter dans leur pick-up pour l'embarquer. Le journaliste indique qu'il s'est débattu et du coup, son téléphone est tombé par terre et l'un des policiers l'a ramassé. Selon toujours cette correspondance adressée au groupe de presse Iwachu, le journaliste a ainsi profité pour se cacher dans un ménage proche. Après l'incident, les proches témoignent que les 2 policiers sont vite remontés dans leur pick-up et sont repartis. Et dans l'entretemps, le Conseil national de la communication CNC met en garde le groupe de presse Iwachu pour manquement professionnel grave dans le traitement des sujets. Dans une correspondance datée seulement de juin 2024 et adressée au directeur de ce groupe de presse, le président du CNC part de l'entretien exclusif que le professeur Julien Nimubona a accordé à Iwachu et publié en date du 24 mai de cette année. La publication du 12 mai de cette année intitulée « En attendant l'Eden » et l'article de Franck Kazé publié le 21 mai de cette année intitulé « Burundi, où es-tu ?» qui sont considérés comme des illustrations d'un traitement tendancieux et diffamatoire de l'information. Le Conseil national de la communication recommande à ce confrère de toujours vérifier la crédibilité de la source des informations qui publie, d'éviter le déséquilibre dans le traitement des nouvelles et veiller au respect du cahier de charges qu'il a signé. Poursuivons cette édition en parlant toujours journalistes, médias et justice. La journaliste Sandra Mhoza, journaliste de la Nova Burundi, a comparu ce mercredi 5 juin 2024 en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza. L'objet de la séance était d'analyser pour la 2e fois son maintien ou pas en détention préventive. Notre consoeur est détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril de cette année. Elle est poursuivie pour 2 infractions, à savoir l'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année et venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en provenance Ngozi. Sa défense trouve que Sandra Mhoza devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana est détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre de l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a comparu au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet de cette année. Pour cause, son co-accusé dans cette affaire avait été libéré provisoirement et ne s'est donc pas présenté à l'audience. La plateforme intégrale burundaise de la société civile pour l'efficacité de l'aide au développement, puisque Burundi estime que l'on ne peut pas affirmer que la situation des droits de l'homme au Burundi est critique. Une déclaration du président de la plateforme qui trouve que le pays connaît des avancées par rapport aux années antérieures. Jean-Marie Ndouimana reconnaît toutefois que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, ne traite pas efficacement certains dossiers sensibles au moment où il a été recommandé que cette commission soit rétrogradée au statut B. Maître Ndouimana appelle la justice et la CNIDH à travailler en toute indépendance en vue de redresser la situation. On l'écoute. Souvenez-vous que ce contexte a été observé dans les années passées. Alors, je vais informer d'abord l'opinion nationale que si on parle des droits des droits de l'homme, on veut dire tout simplement qu'ici et là, on observe des actes ignobles commis par certains agents publics. Par exemple, je peux citer certains agents dans le corps de sécurité, certains agents dans le corps de l'armée ou de l'administration publique en général. Alors, dans le rapport, on dit que la CNDH ne touche pas des dossiers sensibles, surtout des dossiers politiques ou aussi d'autres dossiers et qui touchent certains groupes. Ça, on ne peut pas nier ou affirmer ça 100%. Mais la CNDH fait bien son travail en général. Mais compte tenu des discours de son excellence le président de la République, qui se lamente chaque fois que les institutions républicaines n'exercent pas leur travail conformément à la loi et au règlement, c'est sa propre volonté, pour le bien-être du pays, on peut affirmer que la CNDH n'est pas une commission indépendante à 100%. La raison pour laquelle, au sein de la Piste Burundi, nous recommandons la CNDH de fournir beaucoup d'efforts pour démontrer le contraire, aussi de travailler en évitant toute forme d'ingérence pour que notre pays puisse être observé devant la communauté nationale et internationale comme un pays exemplaire. Et il a été récemment recommandé que la CNDH soit rétrogradée au statut B sur base de certaines allégations. Il est accusé notamment de réticence concernant les dossiers des personnalités politiques, certaines violations des droits de l'homme, la détention des journalistes et de ne pas s'engager avec les organisations de la société civile. Certes, la CNDH garde son statut A jusqu'en 2025, ayant la possibilité de fournir des explications sur base des documents. Et c'est en 2023 que le sous-comité avait décidé de procéder à un examen spécial du statut d'accréditation de la CNIDH. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 18h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Le problème de manque de courant électrique trouvera solution d'ici 2 semaines lorsque toute la connexion du courant provenant du barrage hydroélectrique de Kabou 16 sera progressivement mise dans les installations de la régie des eaux, selon le directeur général de cette entreprise. Dans une conférence de presse de ce jeudi, Jean-Albert Manigomba fait savoir que 4 MW provenant des 20 MW de Kabou 16 ont déjà été reçus. Quant au raccordement sur la Rusumo Force, il affirme qu'il s'est produit une erreur, mais qu'il est en cours de correction. Suivez les explications du directeur général de la Régie des eaux, traduit en français par Léonce Vitalio. Rugya rugomero ruzotanga megawatt 200 mugabo gushika ubu ntituradishikira zose uko tugenda bukebuke kugira ngo ntihagire ibyo nonekara uko tuduza puissance. Le barrage hydroélectrique Kabou 16 fournira 20 MW, mais jusqu'ici, on n'a pas encore la totalité. On y va étape par étape pour qu'il n'y ait pas de casse. Autant nous augmentons la puissance, autant nous regardons si les paramètres sont fonctionnels, parce que si l'on va vite, les installations peuvent être endommagées. Peu à peu, nous connectons le courant dans nos installations. Aujourd'hui, on peut encore raccorder 4 MW pour faire 8 MW et ainsi continuer, jusqu'à ce que le premier groupe fonctionne durant 72 heures avec la puissance maximale de 10 MW. S'il n'y a pas de problème particulier, l'on dira alors que le groupe est vraiment fonctionnel. Après ce premier groupe, l'on commencera avec le deuxième groupe. Là aussi, nous suivons les mêmes étapes. Ainsi, nous prenons les deux groupes, on les met sur le réseau avec 20 MW et durant 72 heures, une raison de dire que la centrale hydroélectrique de Kabou 16 est fonctionnelle et ce sera fini dans 2 semaines. Nous attendons que l'on corrige les erreurs sur la Rusumo Falls, dans deux semaines, il n'y aura plus de coupures électriques, mais il peut y avoir des pannes dans l'une ou l'autre localité ou quartier, parce que nos équipements sont vieux. Mais je rassure et appelle la population que chaque fois qu'on voit une panne, de nous le signaler. Et la réparation sera rapide. Lors de cette conférence de presse, le directeur général de la Régie des Eaux a en outre indiqué que d'ici deux mois, le problème de manque d'eau potable dans la ville de Bujumbura ne sera plus d'actualité. Encore une fois, Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des Eaux. Nous les messieurs venez ici, à ma tuyau, à ma pompe, derrière les salades. À ma pompe, nous allons goûter. Quand nous suivons les pompes à charger, yo. Je tranquillise la population. Les tuyaux et les pompes sont déjà à Dar es Salaam. Ces pompes, c'est pour remplacer toutes les vieilles pompes. On en a acheté une grande quantité pour que l'eau soit en quantité suffisante, s'ajoutant à la source lac Tanganyika. C'est un marché public qui n'a pas été passé depuis 2018. C'était cher, il n'y avait pas assez de ressources financières. Pour de nouvelles sources que nous avons déjà identifiées, avec captage, Makiazo et Issale, dès que les tuyaux atterrissent ici, puisqu'ils sont à Dar es Salaam, nous allons les capter. J'affirme qu'après deux mois, vous verrez le changement dans l'approvisionnement en eau avec ces pompes. Après trois semaines, les changements seront palpables. Page agriculture à présent, pénurie de la Dolomie pour la fertilisation des champs. Cette saison culturelle, c'est dans presque toutes les provinces du Burundi. Les fournisseurs avancent le manque de carburant pour déplacer ce produit, argument qui ne convainc pas le Premier ministre burundais. C'était dans une réunion de ce mercredi en province Ngozi sur les préparatifs de la saison culturelle. C'est Gervain de la Kobucha parle de prétexte et demande au ministère concerné de faire l'inventaire des pertes causées par ceux qui n'ont pas acheminé ce fertilisant dès la saison B afin de rembourser le pont avec Apollinaire Muzagara. Dans cette réunion, les directeurs provinciaux en charge de l'agriculture ont affirmé que le gros des fertilisants fourmis et urées sont déjà dans les stocks de leur province, mais tous ont déploré le fait qu'aucun kilo de dolomie déjà arrive. À ce propos, Finance Bomana, directeur en charge des fertilisants au sein du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, a indiqué que la raison avancée par les fournisseurs de la Dolomie est le manque de carburant pour acheminer son produit dans ces provinces, chose considérée par la primature burundaise comme un prétexte, car son produit n'a pas été distribué par ses fournisseurs même durant la saison B, dit le Premier ministre. Il demande en conséquence au ministère concerné de suivre de près le dossier de l'OMI pour que l'argent que le gouvernement a débloqué, mais qui n'a pas été utilisé pour fournir de l'OMI jusqu'à présent, soit recouvert et au gouverneur de province et BPAE de tout faire pour acheminer le plus tôt possible les engrais fourmis et urées déjà disponibles vers les stocks zonaux afin d'éviter le retard du SEM d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Restons au nord du Burundi, cette fois c'est en province Kirundo. Pour parler justice, des officiers de police et judiciaire à Kirundo se plaignent de subir des pressions de la part des administratifs, des hautes autorités, ainsi que des responsables des partis politiques s'ingérant dans leurs activités. Ces OPJ l'ont dit lors d'un atelier de restitution à l'endroit des autorités acteurs de la chaîne pénale. Des résultats du monitoring des cachots de police qui s'est déroulé ce mercredi au centre urbain de Kirundo. Jean-Marie Chimé, représentant légal de l'association pour la défense des droits des prisonniers et leurs familles, Nabariza a signalé qu'il y a surnombre dans les cachets que plusieurs détenus ne reçoivent pas à manger. Parmi eux figurent aussi des étrangers. Une correspondance signée Abraham Safari. Comme l'ont signalé les différents officiers de police et judiciaire œuvrant dans les commissariats des communes de Kirundo, ils sont confrontés à plusieurs obstacles lors de la mise en application de leurs activités. Ils parlent entre autres la pression et l'ingérence des autorités administratives et des responsables des partis politiques lors de la confection des dossiers. D'autres problèmes qu'ils rencontrent sont la libération sans procédure pénale des détenus par le procureur